Le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Vieillir est une chose, bien vieillir en est une autre. C'est ce qu'a compris Titon, un prince troyen, une figure de l'Antiquité qui apparaît chez Homère. Titon est amoureux d'Eos, la déesse de l'aurore, et Eos aime Titon. Pour vivre le plus longtemps avec son prince, elle demande à Zeus l'immortalité pour son amoureux. Oui, elle veut profiter de Titon le plus longtemps possible. Mais Eos est distraite. En demandant l'immortalité pour Titon, elle oublie de demander la jeunesse éternelle. Erreur. Son amoureux vieillit doucement, il perd ses forces, il perd sa vigueur, il dépérit, mais il ne meurt pas. Eos a pitié de son amoureux vieillissant et elle le transforme en cigale afin de l'entendre chanter éternellement. Oui, en cigale, insecte charmant qui se nourrit de la rosée de l'aurore. Décidément, le destin de Titon est d'être changé en insecte. En plus d'être cigale, il est devenu mythe. Cette semaine, dans le cours de l'histoire, nous nous posons cette question: que faire de nos vieux? Une question universelle qui traverse les temps. Et aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux ancêtres de nos ancêtres, les vieux dans l'Antiquité, avec un voyage dans un monde assez étrange, en terre gérontocide, l'élimination des vieillards comme remède à la vieillesse. Ce sont des émissions que vous pouvez réécouter en ligne sur le site internet du cours de l'histoire, sur franceculture.fr ou bien en podcast. Et aujourd'hui avec nous, nous avons la joie de recevoir un spécialiste des vieux dans l'Antiquité, Jean-Nicolas Corvisier. Bonjour. Bonjour. Vous avez été professeur à l'université d'Arras. Vous avez publié autour de cette question-là, la population dans l'Antiquité classique, c'est un que sais-je, et la vieillesse dans le monde classique, aspect démographique et conséquences sociales. C'est un article alors d'une revue, les Cahiers des études anciennes, qui était consacré à cette question sur les âges avancés dans l'Antiquité. Également avec nous aujourd'hui Nadine Bernard, bonjour. Bonjour. Vous êtes maîtresse de conférence en histoire grecque à l'université de Rouen et c'est vous qui vous êtes intéressée également à cette question. Alors, étonnante, ces textes venus de l'Antiquité qui nous parlent de la manière de tuer les vieux, ce qui intéressait beaucoup les Grecs, mais là-bas, chez les barbares. Vous allez nous expliquer ça en deuxième partie d'émission. Et à la fin du cours de l'histoire, nous retrouverons Anaïs Kien qui assure également la programmation de notre émission. Anaïs Kien qui viendra avec son journal de l'histoire. Mais pour le moment, toujours dans cette idée de parler des vieillards dans l'Antiquité, penchons-nous sur le berceau de notre civilisation, la Grèce. Si Rome nous a légué la langue et le droit, si Jérusalem garde la mémoire de nos racines célestes, Athènes nous rappelle que nous sommes des Grecs par les idéaux qui constituent le fondement du monde moderne. Nous sommes les enfants du miracle grec, et le sentiment de déracinement porte l'homme moderne à la recherche de ses origines, aujourd'hui sans doute plus qu'autrefois. Nous sommes les enfants du miracle grec. C'était une émission architecture et géographie sacrée du tourisme au pèlerinage qui était diffusée sur la troisième chaîne de la télévision française. Un documentaire de Paul Barba-Negra avec des commentaires de Michel Bouquet. Cette voix merveilleuse de Michel Bouquet. Jean-Nicolas Corvisier. Donc, on s'est intéressé pendant toute cette semaine aux vieux. Qu'est-ce que les vieux? Et la question que j'ai envie de vous poser de prime abord, en parlant d'Antiquité, qu'est-ce qu'être vieux? Il y a un âge qui se distingue? Alors, il y a un âge qui se distingue pour la cité, un âge qui se distingue pour les médecins et un âge qui se distingue, disons, pour la société. Alors, pour la cité? Pour la cité, 60 ans maximum pour les hommes, l'âge des obligations militaires, mais ces obligations militaires cessent pour une partie d'entre elles, la cavalerie ou le fait d'être en première ligne à 50 ans. Pour la cité, 50 ans, quand il s'agit de la prise de parole à l'Assemblée, puisque la formule est que ceux qui veulent prendre la parole la prennent, en commençant par les gens de 50 ans et plus, les vieillards qui ont la sagesse infuse, et ensuite les autres peuvent prendre la parole. Donc pour la cité, seuil de la vieillesse, 50 à 60 ans. Et pour les médecins ? Pour les médecins, c'est une théorie septénaire, c'est-à-dire qu'il fonctionne par tranche de 7 ans. À partir de la 9e tranche, 56 ans, on rentre dans la vieillesse et dans le 10e âge, donc à partir de 63 ans, on est réellement vieux et il ne faut pas s'étonner, même si l'on succombe à la mort, ça n'est pas prématurément. Je cite presque nommément un texte de Solon qui est repris dans la collection hippocratique. Voilà, donc il y a des âges qui varient pour mettre un début à la vieillesse, parce qu'il faut rappeler quand même que dans l'Antiquité, il y a une vision de l'étalement de la vie, il y a les âges de la vie. Hein. Et donc là, on est dans le dernier, mais le dernier n'est pas simplement un tout, il y a plusieurs étapes dans la vieillesse. C'est cela, c'est cela. Et ces étapes de la vieillesse, là, nous les percevons beaucoup plus dans la manière, disons, privée, habituelle, de voir la vieillesse. Et nous les percevons également par la démographie. Alors, sans, disons, multiplier les chiffres, disons qu'on peut considérer qu'il y avait à peu près 10% de la population qui avait 60 ans et plus. On peut considérer même que l'hypervieillesse existe. On a pu calculer, je vous passe les détails, que par tranche d'âge de 100 000 personnes, il y avait entre 30 et 60 personnes qui avaient dépassé 90 ans. Donc, l'ancienneté chez les anciens, elle existe. L'hypervieillesse, elle existe. Mais elle est relativement rare. Dernière chose démographique à dire, c'est que compte tenu de l'importance de la mortalité infantile, lorsque on a atteint l'âge adulte, on a, disons, des chances raisonnables, hors épidémie, mortalité aux accouchements ou mortalité à la guerre, qui sont les trois grandes causes de mortalité, on a des chances raisonnables d'atteindre 60 ans. Il y avait donc des anciens chez les anciens. Oui, Jean-Nicolas Corvisier, vous soulignez quelque chose qui vaut hein, pour toutes les époques, et c'est essentiel de dire que c'est la mortalité infantile qui fait baisser l'espérance de vie. Mais une fois qu'on a passé, allez, on va dire quoi, les 1 an, un peu plus, il y a aussi ce pic de mortalité, notamment chez les garçons de 5 à 7 ans, ce qui explique, hasard curieux, que l'éducation commence toujours à 7 ans. L'âge de raison, c'est aussi l'âge où on n'est pas mort. Ouais. Et les 105 garçons qui naissent par rapport aux 100 filles, à 7 ans, les 5 ont disparu. Et de toute façon, il y a, au-delà d'une espérance de vie à la naissance de 23 ans, surmortalité masculine par rapport à la mortalité féminine. Dans le monde grec ancien, on se trouve à peu près au basculement entre la surmortalité masculine et la surmortalité féminine. Donc la figure de la personne âgée s'impose en l'Antiquité, mais on le sait bien parce que notre imaginaire est formé par tout ce qu'on a pu voir, notamment dans les musées. Et c'est vrai que c'est un classique hein, dans ce que nous a offert l'Antiquité, que ce soit la Grèce ou l'époque romaine. Il y a cette figure du vieillard, le buste du vieillard, du sage. Donc nous sommes habitués à voir des vieillards de l'Antiquité. Et cette figure du vieillard, elle est sexuée quand il s'agit des représentations, comme elle est sexuée dans la manière de percevoir les âges. En réalité, les Grecs, qui avaient une mentalité assez utilitaire, percevaient les choses en termes de génération, et par le fait que les femmes ne peuvent plus avoir d'enfants passé un certain âge, qui a relativement peu varié d'ailleurs depuis l'Antiquité, eh bien, le seuil de la vieillesse chez la femme est considéré par la société comme un petit peu inférieur au seuil de la vieillesse chez les hommes. Et c'est important ce que vous dites là, parce qu'effectivement, pour la femme et pour l'homme, ce n'est pas tout à fait la même chose hein, pour la vieillesse. C'est-à-dire que dès que la femme n'a plus d'utilité sociale telle qu'on peut la concevoir dans l'Antiquité, elle est complètement écartée, elle disparaît. Où son utilité revient dans la sphère privée et uniquement dans la sphère privée. Ça veut dire qu'elle est grand-mère, considérée même comme nourrice. Les termes de grand-mère et de nourrice sont pratiquement interchangeables, mais elle n'intervient plus. Et même Platon, qui essaye de faire intervenir les femmes dans sa cité idéale, a quand même dans l'idée le fait qu'au-delà d'un certain âge qui est inférieur pour la femme à l'homme, eh bien la femme n'a plus cette utilité civique. Jean-Nicolas Corvisier, quand on étudie la vieillesse dans l'Antiquité, et on se rend compte qu'il y a des personnes qui vivent vieilles, alors il faut éviter la maladie, il faut éviter la guerre, il faut éviter les accidents. Il y a aussi cette réflexion sur le mode de vie des Grecs. Un fantasme presque de la vie saine, de l'alimentation saine. Est-ce que c'est vrai ça ? Certainement, parce que les Grecs croyaient assez peu à l'au-delà, même l'au-delà qu'ils percevaient dans les religions grecques ou les cultes grecs traditionnels. L'Hadès, c'était, disons, une vie terrestre, mais beaucoup moins drôle, dans un séjour souterrain. Donc, on vivait maintenant. Et pour vivre maintenant, il fallait maintenir sa vie le plus possible. La médecine, qu'est-ce que c'était ? C'était aider les gens à guérir. C'était donner peut-être des substances, mais c'était surtout une diététique, les principes d'une vie saine, les principes d'une vie saine pour soi, pour la cité, et pour procréer les enfants dont la cité aurait besoin par la suite. C'est la raison pour laquelle les philosophes et les médecins sont à peu près tous d'accord pour dire qu'au-delà d'un certain âge, on ne doit pas procréer, et même au-delà d'un certain âge, les questions amoureuses ne sont plus mises. Aphrodite a horreur des vieillards, comme disait un proverbe du monde grec. Juste, il faut nous donner des conseils, on va essayer d'en profiter. Ils mangeaient quoi, ces Grecs, pour vivre vieux ? Le régime est quand même très proche du fameux régime méditerranéen actuel, c'est-à-dire qu'il mangeait des céréales, il mangeait de l'huile, relativement peu de viande, ils en mangeaient quand même. Mais le meilleur moment où ils mangeaient de la viande, c'était dans les sacrifices. Et oui, c'est ça. Ce qui permettait à tout le monde de manger de la viande, mais pas des quantités astronomiques. Dites-moi, quand on parle de l'Antiquité, effectivement, on considère là, en l'occurrence, comme un tout, mais nous parlons plutôt du monde grec. Il y a des différences selon les mondes grecs, c'est-à-dire que l'Antiquité grecque s'étudie sur du temps long. Vous voyez des ruptures, des moments où les vieux ne sont pas aussi nombreux qu'à d'autres ? Oui, les études faites sur les squelettes tendent à faire croire que la période classique, disons entre le 6e, fin de la période archaïque, et le 3e, début de la période hellénistique, c'est l'âge d'or pour la population grecque, donc la période où il y a le plus de vieillards, ce qui n'est pas sans influencer sur leur représentation. Vous disiez tout à l'heure que chez Homère, je développe ce que vous disiez, les vieillards ne vieillissent pas, sauf des cas comme ce cas de l'immortalité qui est un échec, mais la vieillesse, à ce moment-là, est honorée, c'est fabuleux d'être vieux. Oui, tandis que à partir de la période classique, la vieillesse est beaucoup moins honorée, même un petit peu plus décriée, probablement parce qu'il y en a davantage dans le théâtre. Euripide insiste sur l'aspect, disons, vieillesse dégoûtante. Quant à Aristophane, il a quand même cette phrase définitive, les vieux ne servent à rien. Alors, justement, quand on réfléchit comme ça à ce que vous venez d'expliquer, en parlant d'Homère, en parlant de ce que l'on peut dire des vieux et comment on les considère moins, on peut penser à un moment, alors là, nous allons l'écouter dans du peplum, parce que c'est un film, c'est Ulysse de Mario Camerini en 1954, mais le vieillard n'est pas franchement considéré. Où est Ulysse ? En quelle terre est-il retenu prisonnier ? Ne nous as-tu pas promis de fixer ton choix sur l'un de nous ? Le jour où la toile que tu tisses sera terminée. Oui. Mais si le nombre des jours augmente, il me semble que la toile que tu as commencée il y a des années est au même point. Quand sera-t-elle achevée ? Quand je songe à Ulysse, je ne peux plus continuer l'ouvrage commencé. Car la douleur et les larmes me voilent les yeux. Alors mes gestes deviennent plus lents. Ne ferais-tu pas mieux de fixer dès maintenant la date ? Non, aucun de vous ici ne vaut mon père. Nous sommes des hommes comme lui. N'avons-nous pas aussi sa force d'âme et aussi un cœur noble ? Vous n'êtes tous ici que des affamés insatiables. Ne pensez-vous pas à ce que vous dévorez chaque jour ? Presque la totalité de nos richesses, sans que vous soyez une seule fois repus. Cessez de dilapider les réserves d'Ulysse. Allez ailleurs et cessez de souiller cette salle avec vos orgies. De quel droit juges-tu nos actes, vieillard ? De quel droit juges-tu nos actes, vieillard ? Vieillard, il y a du mépris ici. Donc, c'est-à-dire que le vieux n'est pas obligatoirement bien considéré. Le vieux doit être utile à la cité pour être intéressant. C'est cela. Il est bien considéré à partir du moment où il se tient à sa place, à partir du moment où il joue un rôle de conseil, mais il faut pas trop qu'il se mêle de décider. 40 à 55 ans, c'est l'âge considéré comme normal pour décider. On le voit chez Thucydide, chez Xénophon, à peine 10% des décideurs ont passé 60 ans, et s'ils ont passé 60 ans et qu'ils sont encore décideurs, c'est 10 ans qu'ils le sont ès qualité et non pas par l'élection du peuple. Là, nous sommes dans l'Antiquité grecque. Est-ce que c'est la même chose dans l'Antiquité romaine ? À Rome, on considère les vieux de la même manière ? À Rome, la situation est un petit peu différente pour des raisons juridiques et avec notamment la notion de patria potestas. Mais cette notion de patria potestas est une notion juridique qui peut être totalement décalée de l'âge, puisque c'est celui qui est non pas le plus ancien dans la famille, mais celui qui, dans le fonctionnement des parentés, a ce rôle de plus ancien, tout comme le marquisat à l'heure actuelle passe à celui dans la famille qui doit l'avoir pour des raisons de parentèle. Ce qui fait qu'on peut être sous la potestas de quelqu'un plus jeune que soi. Voilà, donc sous le pouvoir, pour dire oui, sous l'autorité. Pouvoir juridique, voilà, autorité juridique. Ouais. Et c'est-à-dire que là, à Rome, nous sentons que d'un seul coup, l'individu est concerné, et j'ai envie de dire, quel que soit son âge, s'il descend, si on prend la période impériale, s'il descend d'un empereur, pourquoi pas, il peut à lui-même prendre l'autorité ou le pouvoir, auctoritas potestas, mais dans la Grèce antique, il y a quelque chose de différent, c'est qu'il y a des institutions, et les institutions, elles, laissent une place aux vieillards. Elles laissent une place aux vieillards, oui, mais pas pour toute chose. Elle laisse une place aux vieillards quand il s'agit, par exemple, du conseil des anciens. À Sparte, évidemment, la Géoussia, le fait est connu, et toutes les cités ont peu ou prou un conseil des anciens. La question est de savoir si ce conseil des anciens est l'organe le plus important de la cité. On peut le dire à Sparte, comme on peut le dire à Rome avec le Sénat, mais dans bien des cités grecques, ça n'est en fait pas le cas. C'est pas le cas, mais pourtant ce conseil des anciens a une utilité, parce que quand la cité est en guerre, il faut bien des gens pour gouverner, parce que les jeunes sont partis. Il y a aussi cette utilité-là des anciens. Ils sont présents, ils sont toujours présents. Oui, mais avec quand même toujours cette question, est-ce que il est normal qu'un vieillard s'occupe de politique ? Plutarque a d'ailleurs consacré un traité à étudier la question, est-ce que la politique peut être l'apanage des vieillards ? Est-ce que la politique peut être l'apanage des vieillards ? Quand nous regardons l'Antiquité grecque, nous pensons tout de suite aux grands textes classiques, et notamment à Homère, notamment à l'Iliade. Et dans Homère, nous trouvons des vieillards, notamment un qui est Priam. Magnifique, Priam. Alors, moi, je ne pensais pas à lui. Je pensais à Nestor. Nestor qui est le aussi sage Nestor. Le sage Nestor, un vieillard magnifique, un vieillard qui, en l'occurrence, nous allons l'écouter dans le livre 2, s'adresse au roi Agamemnon. Agamemnon, toi, notre roi, délibère avec sagesse. Écoute les avis des autres et ne rejette point le conseil que je vais te proposer. Divise les guerriers par tribu et par famille, afin que les familles prêtent secours aux familles et les tribus aux tribus. En agissant ainsi et les Achéens t'obéissant, tu sauras bientôt quels sont les braves et les lâches, soit parmi les chefs, soit parmi les soldats, car chacun combattra pour soi-même. Tu apprendras encore si c'est par la volonté des dieux que tu ne détruis pas cette ville, ou si c'est par la lâcheté des hommes et par leur ignorance de la guerre. Le roi Agamemnon, prenant la parole, lui répond « Ô vieillard, tu l'emportes par tes discours sur les fils des Achéens, souverain Jupiter, et vous, Minerve et Apollon, que n'ai-je parmi les Grecs dix conseillers tels que Nestor ? Et bientôt s'écroulerait la ville du roi Priam, prise et ravagée par nos mains ?» D'entendre un extrait de l'Iliade qui a été lu par Nathalie Canoui, où Nestor, le sage, discute avec le roi Agamemnon, celui qui agit. Cette figure du sage grec est-elle une figure réelle? Était-il vraiment écouté? Ou est-ce que la littérature nous en donne une image un petit peu fantasmée, Jean-Nicolas Corvisier? Là, nous avons une image idéale, mais ce texte montre bien l'ambivalence de la vieillesse. C'est Nestor qui conseille, c'est Agamemnon qui agit. On demande de toute façon conseil au vieillard, presque statutairement, mais on n'est pas toujours obligé de suivre ses conseils. Ah oui, alors ça c'est une question qui est toujours importante. Hein. On écoute le vieillard parce qu'il est une figure de la cité, mais dans la réalité, il n'est pas écouté. Et puis derrière tout cela, il y a une forme d'obligation envers le vieillard, c'est-à-dire un respect, on pourrait dire. Donc l'écouter fait partie du respect, et ce respect se décline de plein de manières. Oui, il y a la fonction de conseil du vieillard, il y a la fonction de transmetteur du vieillard, transmetteur des valeurs, transmetteur des cultes et notamment des cultes familiaux et des cultes des ancêtres, et puis transmetteur également en partie, mais en partie seulement dans l'éducation, dans la mesure où l'éducation est en même temps contrôlée par la cité. Et puis à côté de ça, il y a une obligation morale, il faut s'occuper du vieillard. Ah, morale et même légale. L'obligation de nourrir ses ascendants, et même les actes juridiques pris par des vieillards engagent jusqu'à leurs descendants, et engagent jusqu'à leurs descendants, même après leur mort. Mais en réalité, cela vient du fait que le monde grec fonctionne avec ce que l'on a appelé le principe d'ancienneté. Alors c'est quoi le principe d'ancienneté? Le principe d'ancienneté, c'est-à-dire que tout ce qui est ancien est vénérable et à force de loi. Et par conséquent, les vieillards sont vénérables. Ce que disent les vieillards doit être écouté, mais avec aussi pour conséquence que un individu est considéré comme le produit de sa propre valeur et de la valeur de ses ancêtres. En bien comme en mal. Les malédictions ancestrales pèsent sur les enfants, les petits-enfants, les arrière-petits-enfants. Je n'irai pas jusqu'à compter quelle génération voit la fin de ces malédictions. Alors, le vieillard est vénérable, et pourtant, c'est un paradoxe. Cet homme vénérable est souvent moqué. On le trouve au théâtre. Bien sûr, ouais. Bien sûr. Et il est moqué notamment à partir de la période classique, peut-être parce que il y a plus de vieillards qu'il y en avait eu auparavant. Et puis, il est moqué parce qu'en réalité, il veut se mêler de choses qui ne sont plus de son âge. Lorsque Plutarque se pose la question de la politique et des vieillards, il dit « oui, les vieillards, en substance, oui, les vieillards ont toujours utilité dans la politique, mais il ne faut pas qu'ils revêtent un certain nombre de magistratures qui ne soient pas dignes d'eux, et même dans leur conduite, il ne faut pas qu'ils aillent à la tribune et qu'ils parlent comme parlerait un jeune homme, il faut que leurs paroles soient rares, il faut que leurs paroles soient mesurées. En d'autres termes, le vieillard joue un rôle dans la société et dans la cité, mais à partir du moment où il est encore capable de tenir sa place, et à partir du moment où il n'est pas ridicule. Alors ça, c'est quelque chose d'important, parce que l'âge est une chose, et c'est vrai que vous nous l'avez expliqué, Jean-Nicolas Corvisier, il y a des âges qui sont des limites de reconnaissance, d'entrée dans la vieillesse, mais il n'y a pas que ça aussi, il y a la manière de se tenir, la manière d'être, et la capacité à respecter des valeurs attendues du vieillard, et ça joue avant tout. C'est cela. C'est cela. En fait, la société attend de ces vieillards un fonctionnement qui, d'ailleurs, ne fasse que conforter le modèle social, que conforter le modèle de la cité. S'il s'en écarte, alors malheur à lui. Aphrodite a horreur des vieillards. Qu'est-ce qui se passe si un vieillard se remarie alors que normalement il n'a plus l'âge? Qu'est-ce qui se passe s'il procrée alors que normalement il n'a plus l'âge? Là, il est ridicule. Et tant pis pour lui. Alors Jean-Nicolas Corvisier, vous avez travaillé sur cette question-là. Vous avez lu les textes de l'Antiquité avec ce regard particulier, sans doute à la recherche de toutes les mentions du vieillard. Vous en avez trouvé beaucoup? C'est-à-dire qu'ils sont omniprésents ou il faut creuser pour les trouver? Ils sont omniprésents. Ils sont omniprésents, mais en même temps, il faut creuser pour les trouver. Pour une bonne raison, c'est que l'essentiel de nos textes sont des textes qui sont écrits par des adultes. Nous sommes dans un monde d'adultes, le monde grec. D'autre part, écrit par des gens qui se préoccupent de la cité et pas tellement de la vie privée. Et à partir d'un certain âge, en dehors de quelques vieillards, on passe dans le domaine de la vie privée. Et le domaine de la vie privée intéresse très peu les philosophes, très peu les moralistes. Et d'autre part, les historiens ne s'intéresse qu'à ceux qui font l'histoire. Alors il faut aller dans le théâtre, il faut aller vers les représentations figurées, ou il faut aller vers des textes qui ne sont pas les textes habituels. Et si on les creuse, on a des surprises. Mais je sais que vous avez un certain nombre de surprises de ce type. Voilà, c'est vrai qu'on va en parler avec Nicole Bernard de ces textes hallucinants où les Grecs regardent les vieillards d'ailleurs. Et puis, Jean-Nicolas Corvisier, il y a une autre source qu'il faut évoquer. C'est quand même l'épigraphie, enfin tout ce que la Grèce a pu laisser et qui est une source immense, et notamment savoir à quel âge les gens sont morts. Oui, la difficulté, c'est que contrairement au monde romain, nous avons très très peu d'inscriptions funéraires grecques et très très peu d'inscriptions qui permettent de connaître la vieillesse. 43 000 inscriptions funéraires romaines, mais à peine un millier d'inscriptions funéraires grecques. Oui, c'est très peu, hein, mais ça permet de faire des statistiques quand même, et c'est comme ça qu'on arrive à identifier un peu des âges extrêmes ou des moyennes d'âge. Oui. Mais ces statistiques, on est obligé de croiser toutes les statistiques, celles qui viennent des inscriptions, celles qui viennent des papyrus avec les déclarations de naissance et les déclarations de décès, mais ça ne vaut que pour l'Égypte, celles qui viennent de l'étude des squelettes, et on est obligé, évidemment, de rapporter cela à nos calculs actuels, aux tables de mortalité. Disons que c'est une sorte de cuisine démographique qui est assez difficile à réaliser. Alors, une cuisine démographique difficile à réaliser tout autour de la Méditerranée. Et justement, nous allons rester en Méditerranée, mais un peu plus tard, avec les Hebdas qui chantent les Chibani. Chibani qui veut dire vieux, mais qui veut dire aussi beaucoup d'autres choses, qui évoquent tous ces travailleurs qui, eux, ont traversé la Méditerranée pour venir travailler chez nous, les Hebdas. France Culture, le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Ce qu'ils en font de l'assiette est si petit, qu'on leur dit pas, tu leur dis pas bon appétit. C'est une soupe à la grimace, comme des larmes qu'ils ramassent. C'est une soupe à la grimace, comme des larmes qu'ils ramassent, qu'ils boivent et qu'ils gardent pour eux, vu que tout est dit au fond d'eux. Une cuillère, un tabouret, un rideau, rien de coloré. C'est qu'on fait pas dans la couleur quand t'as vécu dans la douleur. Des souvenirs si flous qu'ils les accrochent avec des clous. Et quand il pleut à verse, toutes les gouttes les traversent. Et quand il pleut à verse, toutes les gouttes les traversent. Ils sont dans les livres d'histoire comme nous dans une passoire. Comme l'oiseau perdu au gré du vent qui veut pas de regret. Ils vont et viennent à la merci d'un casse-toi ou de merci. Meurs sans cérémonie. Ce sont les dieux, nos anciens. Ce sont les deux réunis. Ce qui nous laisse démunis le soir quand on se réunit. C'est qu'on a oublié la compagnie des Chimani. Chimani. Zebda qui chante les Chibani, les vieux qui ont traversé notamment cette Méditerranée pour venir en France. Dans le cours de l'histoire, une émission réalisée par Perret Legras avec aujourd'hui à la technique Adel Kaglar. Nous poursuivons notre exploration de l'âge avancé dans l'Antiquité avec vous Nadine Bernard. Vous êtes donc maîtresse de conférence à l'université de Rouen et nous allons évoquer quelque chose qui est fascinant. M'a fasciné, et je pense qu'il va fasciner les auditeurs, c'est comment les Grecs ont regardé les pratiques à l'extérieur du monde grec, les pratiques auprès des vieillards. Pourquoi vous êtes intéressé à ce sujet? Vous avez vous aussi été surpris par ces textes? Oui, naturellement, et c'est l'objet de ces textes, c'est de surprendre le lecteur, de le déstabiliser, le lecteur grec ou romain, parce qu'on va voir que certains s'adressent à des Grecs, d'autres s'adressent à des Romains. Les textes en question ont été écrits entre le 5e siècle avant notre ère et le 1er siècle de notre ère, mais on va voir qu'en fait, ils disent presque toujours la même chose. Eh bien justement, on va écouter un de ces textes, il est lu par Nathalie Canoui, c'est une lecture donc de Diodore de Sicile dans ses bibliothèques historique qui nous parle des troglodytes. Chez les troglodytes, ceux que l'âge rend incapables de suivre les troupeaux s'étranglent en se serrant le cou au moyen d'une queue de vache et mettent ainsi fin à leur vie avec décision. Et si quelqu'un essaie de différer sa mort, le premier venu a le droit de lui passer le lien autour du cou dans la pensée de lui venir en aide et tout en l'admonestant de lui ôter la vie. Pareillement, il est d'usage chez eux de faire périr les estropiés ou ceux qui sont atteints de maladies incurables. En effet, le plus grand des maux à leurs yeux est d'aimer la vie quand on n'est pas capable d'accomplir les actes qui vous rendent digne de vivre. Voilà pourquoi chez les troglodytes, l'on ne voit que des gens sains de corps et encore dans la force de l'âge. Personne chez eux ne dépassant la soixantaine. Diantre, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire rapportée par Diodore de Sicile où l'on tue dans une peuplade que vous allez nous présenter, Nadine Bernard, tous ceux qui atteignent la soixantaine. Alors qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Alors cette histoire, Diodore qui est écrit au 1er siècle avant notre ère, il ne l'a pas lui-même inventée, il la tient d'Agathe Arkhide de Cnide, qui est un auteur qui a écrit au 2e siècle avant notre ère. Et Agathe Arkhide de Cnide n'a pas lui-même visité le pays des troglodytes, mais il a lu des récits de voyages, il a lu des périples, et il a écrit donc sur cette population qui se trouve sur les bords de la mer Rouge, de la mer Érythrée, comme on le dit dans l'Antiquité, et qui se trouve au sud, si j'ose dire au bout du bout, du sud, à l'extrémité de l'Oïcoumène, de la terre habitée, et au sud de l'Égypte, et bien sûr au sud d'une grande capitale, qu'est Alexandrie au moment où Diodore et avant lui ou Agathe Arkhide ont écrit. Et donc ces troglodytes, ce qu'il faut dire, c'est que ce sont des peuples nomades qui vivent de l'agriculture et qui suivent donc leurs troupeaux au fil des pâturages. Donc c'est une vie difficile où il faut pratiquer plusieurs sortes de régulations sociales, et parmi ces régulations sociales, eh bien, il faut éliminer ceux qui ne sont plus capables de se déplacer, ceux qui ne sont plus capables de vivre et dont la vie ne vaut pas la peine d'être vécue. Et voilà pourquoi ils s'étranglent, ou s'ils ne le font pas eux-mêmes, on les étrangle bien sûr avec l'aide d'une queue de vache, c'est-à-dire avec un instrument de mort que les troglodytes en question ont à leur disposition. Voilà, c'est ça, on comprend bien quand vous expliquez, Nadine Bernard, la raison de cette exécution des vieillards, c'est parce que nous sommes avec un peuple nomade, et pour le peuple nomade, c'est vrai que le vieillard pose problème quand il ne peut plus se déplacer. Les Grecs qui rapportent ce type de récit sont intrigués de quelle manière ? Comme on l'est nous, parce que c'est quelque chose qui nous semble aberrant, ou cela leur parle et les fait réfléchir un peu plus loin ? Non, alors ils sont intrigués parce que c'est à la fois une inversion et une transgression. Une inversion parce que la vie s'arrête autour de 60 ans, alors que pour les Grecs, la vieillesse commence à 60 ans. Hein. On l'a vu tout à l'heure, donc ça c'est une inversion. Et c'est une transgression parce que les enfants, pour les Grecs, doivent veiller à la vieillesse de leurs parents. Il existe ce qu'on appelle la gérotrophia en grec, c'est-à-dire la loi qui veut que les enfants prennent soin de leurs parents. C'est un échange de bons procédés. Les parents prennent soin de leurs enfants, la paidotrophia, lorsqu'ils sont petits. Et en échange et en guise de gratitude, les enfants doivent prendre soin de leurs parents lorsqu'ils sont à la vieillesse. Et donc, vous le voyez, ce que font les troglodytes, c'est à la fois inversion et transgression. Inversion du cours de la vie et transgression dans le respect qu'on doit avoir pour ses parents. Oui, parce que les Grecs réfléchissent beaucoup à ce temps qui passe, à ce dieu qu'ils appellent Chronos, mais que nous, nous pouvons appeler Saturne quand il est chanté par Georges Brassens. Il est morne, il est taciturne, il préside aux choses du temps. Il porte un joli nom, Saturne, mais c'est un dieu fort inquiétant. Il porte un joli nom, Saturne, mais c'est un dieu fort inquiétant. Il porte un joli nom, Saturne, mais c'est un dieu très inquiétant, chantait Georges Brassens. Effectivement, le temps qui passe avec Saturne ou avec Cronos est une préoccupation universelle. Donc dans la démarche des Grecs d'aller voir comment d'autres peuples gèrent les personnes âgées, c'est aussi quelque chose qui leur parle à eux directement, parce qu'il y a une réflexion pour les Grecs sur comment doit-on s'occuper de nos vieux. C'est ça, et ça conforte d'une certaine manière les Grecs dans leur supériorité par rapport à ces peuples des extrémités, puisque eux, ils s'occupent théoriquement très bien de leurs personnes âgées et de leurs parents en particulier. Oui, la lecture de ces textes que vous avez pu retrouver, Nadine Bernard, que vous avez cherché, que vous avez un peu compilé, parce qu'on en retrouve plusieurs, oui. C'est vraiment une lecture qui doit se comprendre dans le cadre d'un monde qui oppose les Grecs et les barbares, pour simplifier. C'est ça. C'est ça. Alors, entre Hérodote et Diodore, on ne dit pas exactement la même chose, mais c'est toujours des interrogations, en fait, au prisme des barbares. Que sommes-nous, nous, les Grecs, qui sommes au centre de l'humanité? Quels sont les degrés de civilisation? S'il est entendu que les Grecs représentent le summum de la civilisation, les peuples des confins ne peuvent que représenter ce qu'il y a de plus éloigné de la civilisation. Et donc tous les auteurs, dans leur discours ethnographique, comme nous le dirions aujourd'hui, vont s'appliquer à mettre en valeur les niveaux d'incivilisation des différents peuples barbares. Alors ça va même très loin, hein, parce que dans le constat de la manière dont certains vieillards sont tués, il y a jusqu'à donner le vieillard à des chiens. Et là, pour le grec, c'est quelque chose de très fort comme image. Oui, oui, c'est une image qui parle au grec, puisque c'est Priam hein, qui fait lui-même la remarque qu'il s'imagine lui-même la proie des chiens. Et donc, c'est une mort déshonorante, alors qu'il s'agit du peuple des Caspiens, donc un peuple qui se trouve sur les bords de la Caspienne, là aussi, qui supprime ses vieillards, en les jetant à des chiens qu'on appelle dans ce peuple-là des chiens fossoyeurs, dont la mission est précisément de dépecer et de nettoyer les os de leurs morts. Oui, c'est quelque chose qui est très fort comme image, c'est quelque chose qui est troublant. Jean-Nicolas Corvisier, vous êtes resté avec nous. Cette lecture que l'on peut avoir de textes assez fort, où des Grecs vont voir ailleurs ce qui se passe et de la manière de tuer les vieux, c'est quelque chose qui est complètement en marge. C'est-à-dire que là, on est dans plutôt la lecture anecdotique, on joue sur la curiosité, mais malgré tout, ces textes s'adressent à des Grecs, et uniquement à des Grecs. Il y a un message derrière ça, c'est un peu « occupez-vous de vos vieux » ou « occupons-nous de nos vieux ». Oui, je crois qu'il y a d'une part ce message que vous indiquiez, Nadine Bernard, que nous, nous sommes supérieurs à ces peuples-là. La meilleure preuve, c'est que nous ne le faisons pas. En même temps, nous, nous avons peut-être d'autres solutions. Pas seulement les autres solutions qui sont les solutions légales, mais le monde grec, c'est aussi le monde de l'esclavage. Et par conséquent, il y aura toujours des esclaves pour s'occuper des vieux. Et puis, c'est aussi un monde dans lequel la mort volontaire, le suicide, n'est absolument pas voué aux gémonies. Finalement, lorsque on n'est plus vraiment capable de vivre et qu'on n'a plus envie de vivre, il n'est pas immoral de se suicider. Alors ça, c'est une question très forte, la question du suicide, parce que quand nous parlons du suicide dans l'Antiquité, si nous voulons mettre le mot au goût du jour, on parlerait simplement d'euthanasie. C'est comme ça que vous l'analysez, Nadine Bernard? Oui, dans certains cas, il faut distinguer entre les différents auteurs. Certains auteurs, comme justement Agathe Arkhide, repris par Diodore, vont essayer de faire comprendre à leurs lecteurs grecs qu'il y a une logique dans ces mises à mort, parce que il n'y a pas seulement, il prend pas seulement en compte leur qualité de nomades, mais il les oppose justement aux Grecs, qui sont des sédentaires, qui ont à leur disposition un supplément de nourriture que non non pas les peuples en question. Et donc, en expliquant cela, ces vieillards qui vont disparaître à 60 ans, c'est une forme d'euthanasie et même plus, c'est une forme de belle mort pour eux, parce que d'une certaine manière, ils vont se sacrifier pour la survie du groupe et ils vont permettre aux plus jeunes générations de maintenir leur niveau de vie et de maintenir un groupe plus équilibré. Ce qui nous manque, en revanche, et ce qui serait intéressant d'avoir, mais Diodore ne le dit rien, il serait intéressant aussi de savoir comment ils réagissent avec la naissance, pas seulement avec la vieillesse. On ne parle que des vieux, mais que font-ils avec les jeunes enfants, les nouveau-nés? Exposent-ils, abandonnent-ils ou non les enfants nouveau-nés? Se livrent-ils aussi à des infanticides d'enfants nouveau-nés, encore une fois pour maintenir les équilibres du groupe? Mais nous n'avons absolument pas d'informations sur cet aspect-là. En revanche, nous avons énormément d'informations qui viennent de tous les peuples d'un peu partout. Un autre exemple avec Hérodote dans ses histoires, un peuple qu'on n'a pas vraiment envie de croiser, quoi. Il n'y a pas chez eux de limite fixée d'avance à la vie. Mais quand un massagète est devenu très vieux, ses parents se rassemblent tous, l'immolent avec lui du bétail, font cuire les chairs et s'en régalent. Cette fin est tenue par eux pour la plus heureuse. Si quelqu'un meurt de maladie, ils ne le mangent pas, mais l'enfouissent dans la terre et estiment que c'est pour lui un malheur de ne pas avoir atteint l'âge d'être immolé. Avec ce peuple et massagètes que Hérodote décrit, nous avons également une belle mort, sauf que bon, ce n'est peut-être pas la mort la plus sympathique pour les Grecs, c'est-à-dire que l'on mange ces vieillards. Là, comment on peut analyser une chose pareille à travers Hérodote ? Alors là, on joue à la fois sur l'inversion et sur l'analogie, parce qu'on ne les mange pas de n'importe quelle manière, on les immole, c'est-à-dire qu'on les sacrifie. Donc il y a une partie presque sacrée, une dimension presque sacrée dans cette consommation des vieillards. Donc là, on situe le lecteur dans le repère grec et l'immolation des vieillards qui sont consommés également avec du bétail. Les Grecs immolent du bétail et consomment eux-mêmes du bétail lors des sacrifices. Vous voyez, ça donne une autre dimension à cette mise à mort de vieillards. Mais là, les massagètes sont un peuple là aussi du bout. Des confins du nord du monde, entre aujourd'hui ce qui serait pratiquement la mer d'Aral et la mer Caspienne, ce sont des sites, donc des peuples qui sont naturellement ouverts à toute déviation, toute déviance par rapport aux Grecs. Mais vous voyez qu'on ramène le lecteur grec dans un contexte qui le repositionne dans le cadre du sacrifice. Et puis avec une question universelle, mais alors là vraiment question universelle, du temps des Grecs de l'Antiquité et puis qui dépasse largement l'Antiquité, c'est que faire des personnes âgées quand elles deviennent faibles et quand pour la société il y a un poids. C'est-à-dire qu'on regarde dans l'actualité aujourd'hui et sans cesse le débat autour des retraites ou ces réflexions-là, ce sont ces questionnements pour les Grecs. Donc il y avait aussi cet intérêt, sauf qu'ils regardaient ailleurs et ils voyaient des choses qui étaient extrêmes. Voilà, c'est naturellement, là c'était plus extrême encore puisqu'il y a de l'anthropophagie dans le cas des massagètes. Donc l'anthropophagie que les Grecs ne s'autorisent pas. Donc, non, c'est vrai que dans les mythes grecs, il y a très peu d'anthropophagie. Il y a un peu d'anthropophagie, mais voilà, ce sont les pères qui mangent leurs fils. Ouais. Ce ne sont jamais les enfants qui mangent leurs parents. Ça n'existe pas. Jean-Nicolas Corvisier, il y a une remarque à faire autour de cette mort des vieux, cette mise à mort des vieux. Elle n'existe pas dans le monde grec, elle n'existe pas dans le monde romain non plus. Et pourtant, si l'on ne s'occupe pas d'un vieillard, si le médecin ne s'en occupe pas, considérant qu'il est trop faible, il n'y a rien à en faire, c'est un peu une mise à mort aussi. Oui. Mais non seulement il y a l'obligation de nourriture dont vous parliez, cher collègue, mais il y a de toute façon l'obligation de subvenir à tous les besoins des vieillards jusqu'à la fin. D'autre part, comme je disais tout à l'heure, l'esclavage permet de suppléer l'absence d'un système de retraite qui n'existe pas, bien entendu, dans l'Antiquité. En fait, on se fait sa retraite en achetant des esclaves jeunes qui pourront après subvenir à vos besoins matériel dès que la vieillesse vous empêchera d'y satisfaire. Il y a cela, et puis il y a le fait que l'héritage ne se fait qu'après décès. La donation entre vifs existe peut-être, mais la donation entre vifs existe surtout quand il s'agit d'un vieillard qui est sans enfant, sans enfant vivant, et qui à ce moment-là adoptera souvent, par exemple, un fils de sa fille, pour avoir à nouveau un fils directement, jeune, et s'assurer à la fois des cultes funéraires et du fait que sa vieillesse sera matériellement heureuse. Jean-Nicolas Corvisier, Nadine Bernard, il y a quelque chose qu'il faut toujours préciser quand on fait de l'histoire sociale. C'est vrai que nous prenons cette question comme un tout. En vérité, nous regardons toujours le niveau supérieur de la société, celle qui laisse des traces, celle qui parle, parce que cette question-là ne va pas se poser sans doute pour les esclaves ou pour les travailleurs dans les mines, parce que eux, ils ne sont jamais vieux vu qu'ils meurent avant. Bien sûr. Faut juste, juste le dire. C'est vrai que là, on touche sur la question de la vieillesse toujours les dominants de la société. Bien sûr. Et là, les choses sont également sexuées parce que la situation de la vieille femme et la situation du vieil homme sont de toute façon différentes. Bon, merci beaucoup à vous deux, Nadine Bernard, Jean-Nicolas Corvisier, de ce voyage dans un monde grec qui est parfois angoissant. Jean-Nicolas Corvisier, vous me montrez un livre. Oui. C'est quoi ? C'est un livre sur le temps, puisque vous parliez du temps, qui est une synthèse de différents articles sur le temps qui est paru en 2016. Voilà, sous la direction de Philippe Guizard et Christelle Lézé aux éditions Ellipse. C'est sur le temps. Oui. Donc, le temps. Le temps aussi antique. Bien. Le temps dans l'Antiquité, mais quelle que soit la manière dont ce temps est perçu. Nous retrouvons toujours notre ami Chronos. Exactement. Mais justement, là, le Chronos du studio me dit qu'il est 9h, bientôt 52 dans quelques secondes. C'est donc l'heure du journal de l'histoire d'Anaïs Quien. Anaïs Quien, bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Alors Anaïs, pourquoi aujourd'hui il y a une telle fascination entre maître et serviteur? En tout cas, pourquoi cette fascination perdure? Pourquoi une fascination pour cette relation? Certains d'entre nous ont adoré la série britannique de Julian Fellowes, Downton Abbey. Et nous n'avons pas été les seuls. Plus de 200 pays ont acheté les droits de cette chronique familiale aristocratique et prolétaire qui se déploie dans les années 10 jusqu'aux années 20, de part et d'autre de la Première Guerre mondiale. 6 saisons douillettes dans les Tea Times pris dans les salons d'apparat du château de Downton upstairs et les cuisines downstairs, point de rencontre de l'armée de domestiques chargés de faire tourner la maison. Saluée par la critique, la série a été suivie par des millions de téléspectateurs qui ont sombré dans un deuil inconsolable après la diffusion du dernier épisode en 2015. Le lot de consolation est en cours de livraison cependant, puisque Downton Abbey, le film, sort demain. Mais qu'est-ce qui nous fascine tant dans cette relation entre maître et serviteur, a priori obsolète? Parce que je vous rappelle qu'il s'agissait de ça. J'ai l'horrible pressentiment que Simmons va me donner sa démission. Je l'ai trouvé très agité ces temps-ci. Et je l'ai vu courir pour attraper le facteur ce matin. Oh, je vous plains, c'est affreux. Y a-t-il une chose pire que de perdre sa femme de chambre? Enfin, pourquoi voudrait-elle me quitter? Je me suis montrée douce avec elle. La plupart du temps, du moins. La fiction décrit a posteriori comment la relation de maître et de serviteur est devenue progressivement incompréhensible pour les deux parties en présence. Pour les maîtres, cette proximité avec le peuple pourrait s'avérer contagieuse, voire dangereuse. Pour les gens de maison, les domestiques, le contrôle absolu sur leur corps et leur temps lorsqu'ils sont à demeure devient difficile à supporter. La sociologue Dominique Mémy parle d'une domination rapprochée et du refus de cette domination physique directe qui devient intolérable après les années 50. Où est le beurre pour faire des crêpes? Il est dans le garde-manger. Nous avons des crêpes ce soir. Vous nous avez regardé? C'est pour le dîner à l'étage, des crêpes Suzette. Oh, j'ai toujours eu envie d'y goûter. Vous pouvez m'en garder s'ils ne les finissent pas. Oh, si je peux t'en garder? Des crêpes Suzette? Si ça vous gêne pas. Et tu n'aurais pas envie de coucher dans la chambre de Madame la Comtesse pendant que tu y es? Downton Abbey s'inscrit dans une tradition de fiction sur les relations entre l'aristocratie et les gens de maison, tout en pariant d'en renouveler le genre, avec ses majordomes qui acceptent difficilement l'arrivée du téléphone et les femmes de chambre qui cherchent leur émancipation en prenant des cours de sténodactylo pour devenir secrétaires. Malgré leur isolement, le comportement des domestiques reflète les changements sociaux qui se produisent ailleurs, en particulier avec l'essor du mouvement syndical au début du XXe siècle. La condition domestique devient le symbole d'un style de vie dépassé. Dès la fin du XIXe, le problème du recrutement des domestiques devient une préoccupation et bientôt une obsession. Dans la presse, après 1914, on se demande, va-t-on retrouver la société d'avant-guerre ? Si je devais me marier cette année, quel genre de vie on aurait en 1958 ? Crois-moi, ce sera le dernier de mes soucis. Vous croyez qu'on quittera la domesticité ? Toi, tu t'en sortiras quoi qu'il arrive. Tu peux toujours aller à la ferme de M. Wesson. Seulement moi. Je m'en sortirai ? J'y connais rien aux travaux de la ferme, ni aux commandes, ni à la comptabilité. Imaginez que je puisse pas attaquer une nouvelle vie. Si ça ne te dérange pas, moi j'ai le dîner de ce soir à attaquer. Alors commence les pâtés de saumon et je fais la mayonnaise. Les nombreuses fictions qui s'inspirent des parcours de domestiques posent toutes la même question. Comment changer de vie ? La solution la plus conventionnelle, c'est celle de Daisy, l'aide-cuisinière, qui voit le mariage comme seule porte de sortie. On reste rarement domestique toute sa vie, et de ce point de vue-là, les guerres constituent aussi une occasion de trouver à s'employer dans les administrations et l'industrie, et donc de ne plus coucher à portée de clochette. Mais dans la fiction, la rupture de cette relation de dépendance se fait volontiers sulfureuse et consiste à faire disparaître le maître quand il n'y a plus d'issue à ce huis clos pervers. Une liaison érotique à mort, comme dans L'amant de Lady Chatterley, ou tout simplement le meurtre de cuisine dans l'affaire des sœurs Papin. L'issue sans violence se fait rare dans les représentations de cette relation de classe, qu'elle soit cinématographique ou littéraire. Et le dernier épisode de Downton Abbey a été diffusé en 2015. Oh, tristesse, mais la production n'avait pas dit son dernier mot, donc le film sort demain, Anaïs. Et cette fois-ci, maître et domestique relèvent un défi de taille puisque la reine en personne s'invite à Downton. Maître et valet s'unissent pour défendre l'honneur de la maison face à l'invasion arrogante du personnel royal qui méprise copieusement ses ploucs de Yorkshire, une mise en abîme de la violence de classe qui habite à la fois l'histoire et les représentations de la condition domestique. Merci beaucoup Anaïs Kien. Jean-Nicolas Corvisier, Nadine Bernard, vous êtes tous les deux antiquisants et vous disposez d'un pouvoir gigantesque. Ce pouvoir est de connaître les sources, de lire les textes. Et c'est vrai que parce que vous étudiez, on l'a vu avec vous, Nadine Bernard, et ses explorations de monde un peu étrange où on tue les vieux, vous avez une force majeure. Et quand vous écoutez ce que dit Anaïs Kien sur ce monde d'aujourd'hui, vous faites sans cesse des liens comme ça. C'est ce monde, vous parliez des esclaves, on n'est pas loin. Oui, tout à fait, tout à fait. Les mêmes relations se nouent. Mais cela montre qu'il n'est d'histoire que comparée, en fait. Il y a aussi des relations maître-esclave dans le théâtre oui. classique. Donc, et peut-être des relations au travail aussi qui s'apparentent à la domesticité, mais une domesticité bien plus précaire. Dans nos mondes contemporains. Tout ça pour dire, il faut lire les textes antiques parce que c'est très drôle et on apprend plein de choses. Merci beaucoup Jean-Nicolas Corvisier, Nadine Bernard. À demain Anaïs Kien. C'était Le cours de l'histoire, une émission préparée par Marion Dupont, Anne Toscane, Viudès et Camille André. Des émissions à réécouter sur le site internet franceculture.fr ou à podcaster. Demain, loin des yeux, loin du cœur, de l'hospice à vieillir en famille. Quelle socialisation pour les vieux ! Et puis, l'invention des grands-parents, c'est important, les grands-parents.